que toi pour me combler. Ah mon bébé, y'en a trop sur mes côtés, mais y'a toi à mes côtés. Pour la vie de rêve il faut compter. Dis-moi tes rêves, je vais les réaliser. Bord de mer, Rock Champs-Élysées. Dis-moi tes rêves, je vais les réaliser. Bord de mer, Rock Champs-Élysées. Partir, changer d'horizon. Au bout du monde, c'est dans ma maison. Oublier les hauts et les bas. Je sais qu'on est mieux là-bas. Elle est ou bien Tokyo, sable blanc, Mexico. Champs-Élysées.